Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 63. De la cause des vertus. Fonction de la nature. Rôle des actes dans les vertus acquises. Action de la grâce dans les vertus infuses. Différence entre les vertus acquises et les vertus infuses. 1. La vertu est-elle en nous par nature? Ce que nous avons par nature est dans tous les hommes, et le péché ne le détruit pas, les biens naturels sont restés dans les démons eux-mêmes. Puisque la vertu est détruite par le péché, l'homme ne l'a pas par nature. La nature nous donne bien l'aptitude à l'acquérir, mais elle ne nous donne pas la vertu dans sa perfection. Si l'on peut dire que la vertu est en nous par nature, c'est uniquement dans le sens que la raison de chaque homme possède naturellement certains principes généraux qui sont comme les semences des vertus morales et des vertus intellectuelles. Ce sont, d'abord, les premiers principes que nous connaissons par la lumière naturelle, puis, une inclination qui porte notre volonté à embrasser les biens conformes à la raison. Nous avons en outre dans notre nature, chacun en particulier, des inclinations favorables ou contraires aux habitudes vertueuses, les uns ont plus de dispositions naturelles pour la science, les autres pour la force d'âme, d'autres pour la tempérance. Tout cela tient le plus souvent à notre constitution physique, qui favorise ou entrave l'exercice des puissances sensitives, et, par là même, les actes des facultés rationnelles, au service desquelles elles sont. Ainsi les vertus intellectuelles et les vertus morales nous sont innées quant à l'aptitude, mais non à l'état de perfection. Il faut, toutefois, excepté les vertus théologales, qui viennent tout entières d'un principe extrinsèque. 2. Les vertus se produisent-elles par la répétition des actes? Le bien, dit Saint-Denis, a plus de force que le mal, puisque les mauvaises actions produisent le vice, les bonnes actions doivent produire la vertu. Faisons néanmoins une distinction essentielle. Les vertus qui se rapportent au bien réglé par la raison humaine peuvent être produites par les actes humains, mais celles qui se rapportent au bien réglé par la loi divine sont uniquement produites par l'opération divine. Note. Les vertus infuses sont produites par la grâce, elles ne se concilient point, surtout si on les envisage dans leur perfection, avec le péché mortel. La vertu humainement acquise souffre, au contraire, l'acte du péché mortel, elle ne cède qu'à l'habitude opposée, qui ne résulte pas d'une seule action. Quoique les hommes ne puissent pas, sans la grâce, éviter le péché mortel de manière à n'en commettre jamais un seul, ils peuvent néanmoins contracter l'habitude d'une vertu et se préserver par elle de beaucoup de mauvaises actions, notamment de celles qui sont le plus contraires à la raison. Les péchés mortels qu'ils n'éviteront pas sans la grâce, ce sont les péchés directement opposés aux vertus théologales que la grâce elle-même produit en nous. Faisons observer, en passant, que les actes qui procèdent d'une cause supérieure à la raison, c'est-à-dire de la grâce, produisent très bien les vertus humaines. Fin de la note. 3. Y a-t-il des vertus morales produites en nous par infusion divine? Lorsque Dieu surajoute, dans nos âmes, aux principes naturels les vertus théologales par lesquelles nous sommes mis en rapport avec notre fin suprême, il doit nécessairement y produire aussi d'autres qualités de l'ordre surnaturel qui soient à ces vertus ce que les vertus humaines sont aux premiers principes naturels. Note. Les vertus produites par les actes ne correspondent pas, faute de proportion, aux vertus théologales. Ces dernières, tout en commençant nos rapports immédiats avec Dieu, ne nous mette pas en rapport avec toutes les choses qui le concernent. Il doit lui-même en produire d'autres dans nos âmes. Quoique, dans le vrai chrétien, qui fait tout pour la gloire de Dieu, omnia in gloriam Dei, en faisant tout au nom de Jésus, omnia in nomine Jésus, les vertus morales soient surnaturellement sanctifiées par la grâce, nous leur conservons leur dénomination, afin de les distinguer des vertus théologales. Confère Monseigneur Gousset. Fin de la note. 4. Les vertus acquises sont-elles d'une autre espèce que les vertus infuses ? Les vertus acquises par les actes ne sont pas de la même espèce que les vertus infuses, puisque, pour définir ces dernières, on dit que Dieu les produit en nous, sans nous, ce que l'on ne dit pas des vertus acquises. Autres sont les vertus des enfants de Dieu, autres sont les vertus des enfants des hommes, les unes ont pour règle la loi divine, les autres la raison humaine. La tempérance acquise, par exemple, prescrit seulement à l'homme de ne nuire ni à sa santé, ni à l'exercice des facultés intellectuelles, au lieu que la tempérance infuse veut qu'il châtie son corps et le réduise en servitude. Il en faut dire autant de toutes les autres vertus, si, selon la remarque d'Aristote, les vertus des citoyens sont diverses sous les différents gouvernements de la terre, se pourrait-il que les vertus des serviteurs de Dieu, concitoyens des saints, ne diffèrent point de celles qui rendent un homme habile dans les choses du siècle? Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.